Reprise. La clé du cabinet des souverains, journal un peu mixte publié par Pankouk, donna sur l'ouvrage de Madame de Staël des observations dues au médecin littérateur Roussel, auteur du livre De la femme, mais surtout un jugement de Donou, ou du moins une analyse bienveillante, ingénieusement exacte, avec des jugements insinués plutôt qu'exprimés, selon la manière discrète de ce savant écrivain dont l'autorité avait tant de poids, et qui porte un caractère de perfection sobre en tout ce qu'il écrit. Note. La lettre que Madame de Staël lui écrivit pour le remercier peut se lire, page 94, des documents biographiques sur Donou par M. Taillandier. Reprise. Le journal des débats du 11 Messidor en 8 accueillit, en le tronquant toutefois, un article amical de M. Hochet. Mais 3 jours après, comme revenu de cette surprise, il publia, sous le titre de Variété, un article sans signature où Madame de Staël n'est pas nommée, mais où le système de perfectibilité et les désastreuses conséquences qu'on lui suppose sont vivement et même violemment combattus. Guillemet, le génie qui préside maintenant aux destinées de la France, y est-il dit, est un génie de sagesse. L'expérience des siècles et celle de la Révolution sont devant ses yeux. Il ne s'égare point dans de vaines théories et n'ambitionne pas la gloire des systèmes. Il sait que les hommes ont toujours été les mêmes, que rien ne peut changer leur nature, et c'est dans le passé qu'il va puiser des leçons pour régler le présent. Il n'est point disposé à nous replonger dans de nouveaux malheurs par de nouveaux essais, en poursuivant la chimère d'une perfection qu'on cherche maintenant à opposer à ce qui est et qui pourrait favoriser beaucoup les projets des factieux, etc. Fin des guillemets. Mais les plus célèbres articles du moment au sujet de Madame de Staël furent les 2 extraits de Fontane dans le Mercure de France. La réaction monarchique, religieuse et littéraire de 1800 se dessinait, en effet sur tous les points, se déployait sur toute la ligne. Bonaparte favorisait ce mouvement parce qu'il en devait profiter, et les hommes de ce mouvement ménageaient tous alors Bonaparte, qui ne leur était point contraire. Le journal des débats restaurait solennellement la critique littéraire et déclarait dans un article de Geoffroy, 30 Prairial en 8, que « l'extinction des partis, la tranquillité publique établie sur des bases solides, et un gouvernement fort, sage et modéré, avait enfin donné au peuple français le loisir de se reconnaître et de recueillir ses idées. » Fin des guillemets. Dussault, Félès, Delalleau, Fiévé, Saint-Victor, l'abbé de Boulogne écrivaient fréquemment dans ce journal. Le Mercure de France avait été rétabli ou du moins régénéré, et c'est dans le premier numéro de ce renouvellement que parut le premier article de Fontane contre Madame de Staël. Avec Fontane y allait écrire La Harpe, l'abbé de Vaucelles, Guénaud de Mussy, M. de Monald, M. de Chateaubriand, plusieurs des écrivains des débats. Chaque numéro du Mercure était annoncé avec louange par son auxiliaire quotidien qui en donnait de longs extraits. On avait rouvert le lycée rue de Valois, et la Harpe y professait. Note. Un scrupule me vient. Ce ne fut point au lycée même, resté fidèle à l'esprit de la Révolution, que la Harpe dut professer ses palinodies antiphilosophiques, au moins les dernières. J'ai ouï parler, aux contemporains, d'un local rue de Provence, près de la rue du Mont-Blanc. Reprise. On avait rouvert le lycée rue de Valois, et la Harpe y professait. Contre le XVIIIe siècle et contre la Révolution, ces brillantes et sincères palinodies que les débats du lendemain et le mercure de la semaine reproduisaient ou commentaient. Guillemets. Le chaos formé par 10 années de troubles et de confusions se démêle tous les jours. Fin des guillemets. Écrivait-on dans les débats. Et pour remédier au désordre du goût, les plus prolongés de tous et les plus rebelles, on proposait le rétablissement de l'ancienne Académie française. M. Michaud, de retour de l'exil, où l'avait jeté le 18 Fructidor, publiait ses lettres à Delille sur la pitié, en préparant son poème du « Printemps d'un proscrit » dont il courait à l'avance des citations. À propos de la réimpression faite à Londres du poème des Jardins, on engageait le Virgile français à rompre enfin un exil désormais volontaire, à revoir au plus vite cette France digne de lui. On lui citait l'exemple de Voltaire, qui, réfugié en son temps à Londres, n'avait point prolongé à plaisir une pénible absence. L'apparition du génie du christianisme, un an à l'avance pressenti, allait ajouter un éclat incomparable à une restauration déjà si brillante, à l'environner de la seule gloire, après tout, qui éclaire pour nous, dans le lointain, ce qu'autrement on eût oublié. Madame de Staël, qui sortait de la Révolution, qui s'inspirait de la philosophie, qui maltraitait le règne de Louis XIV et rêvait un idéal d'établissement républicain, devait être considérée alors par tous les hommes de ce camp comme ennemie, comme adversaire. Dès les premières lignes, Fontane fait preuve d'une critique méticuleuse, peu bienveillante. Il exalte le premier écrit de Madame de Staël, consacré à la gloire de Rousseau, guillemets. Depuis ce temps, les essais de Madame de Staël ne paraissent pas avoir réuni le même nombre de suffrages. Fin des guillemets. Il se prend d'abord au système de perfectibilité. Il montre Madame de Staël s'exaltant pour la perfection successive et continue de l'esprit humain au milieu des plaintes qu'elle fait sur les peines du cœur et sur la corruption des temps. Assez semblable en cela au philosophe dont parle Voltaire, qui criait « Tout est bien !» d'une voix lamentable. Il tire grand parti de cette contradiction qui n'est qu'apparente. Les partisans de la perfectibilité, on le conçoit en effet, blâment surtout le présent, ou du moins le poussent, le malmènent. Les incrédules à la perfectibilité sont moins irascibles envers les choses existantes et les acceptent de meilleur cœur, tâchant dans le détail de s'en accommoder. Fontane, poursuivant cette contradiction piquante, avançait que toutes les fois que le rêve de la perfectibilité philosophique s'empare des esprits, les empires sont menacés des plus terribles fléaux. Guillemets. Le docte Varron comptait de son temps 288 opinions sur le souverain bien, du temps de Marius et de Sylla. C'est un dédommagement que se donne l'esprit humain. Fin des guillemets. Selon Fontane, qui cite à ce sujet une phrase de Condorcet, ce serait à Voltaire le premier qu'on devrait cette consolante idée de perfectibilité. Le critique part de là pour amoindrir spirituellement la question et pour la réduire petit à petit aux dimensions de ce vers du mondain « Oh, le bon temps que ce siècle de fer !» C'est, à son gré, le meilleur résumé et le plus élégant qu'on puisse faire de tout ce qui a été débité sur ce sujet. L'esprit mâle et sérieux de Madame de Staël avait peine à digérer surtout cette façon moqueuse, mesquine, marotique, de tout ramener à un vers du mondain. Elle bouillonnait d'impatience et s'écriait dans la familiarité « Oh, si je pouvais me faire homme, quelque petit qu'il fût, comme j'arrangerais une bonne fois ces antiphilosophes !» Le premier article du Mercure est terminé par ce post-scriptum mémorable. Guillemets. Quand cet article allait à l'impression, le hasard a fait tomber entre nos mains un ouvrage qui n'est pas encore publié et qui a pour titre « Des beautés morales et poétiques de la religion chrétienne ». On en fera connaître quelques fragments où l'auteur a traité d'une manière neuve les mêmes questions que Madame de Staël. Fin des guillemets. Ainsi se posait du premier coup l'espèce de rivalité de Madame de Staël et de M. de Chateaubriand, qui furent, à l'origine, divisés surtout par leurs amis. Fontane, promoteur et soutien de M. de Chateaubriand, attaquait l'auteur de la littérature. Dans la décade, Ginguené, qui devait louer Delphine, s'attaquait au génie du christianisme, et ne craignait pas de déclarer que cet ouvrage, si démesurément loué à l'avance, s'était éclipsé en naissant. Mais nous reviendrons au long sur les rapports vrais de ces deux contemporains illustres. dans son second extrait ou article, Fontane venge les Grecs contre l'invasion du genre mélancolique et sombre, genre particulier à l'esprit du christianisme et qui pourtant est très favorable au progrès de la philosophie moderne. Il paraît que dans la première édition, Madame de Staël avait écrit cette phrase, depuis modifiée, « Anacréon est de plusieurs siècles en arrière de la philosophie que comporte son genre. » « Ah ! S'écrie Fontane, quelle femme, digne d'inspirer ses chansons, s'est jamais exprimée de cette manière sur le peintre de l'amour et du plaisir ? Quant à la douleur rêveuse dans les impressions solitaires, espèce d'inspiration que Madame de Staël refuse aux Grecs, il demande où on la peignit jamais mieux que dans le sujet de Philoctète. Avait-il donc oublié déjà la lecture confidentielle qui venait de lui être faite de René, note, le plus respectable ancêtre classique des mélancoliques et rêveurs solitaires, est assurément Bellérophon. Homère en a parlé le premier. Ozone, le dernier des anciens, a dit Quiu dicitum olim, manti sinops, coitus ominum, et vestigia vitans, avia per lustrace vagus loca Bellérophontes. Bellérophon a meilleur droit que Philoctète, et le René et l'Obermann de la fable grecque. Reprise. Ces articles sont remplis, au reste, de détails justes et fins. Quand il soutient Homère contre Ossian, il a peu de peine à triompher. Et dans cette querelle du Nord contre le Midi, il se souvient à propos que les poésies les plus mélancoliques ont été composées, il y a plus de 3000 ans, par l'arabe Job. Il s'arrête en remettant, dit-il, un plus ample examen à un temps où les questions les plus innocentes ne seront pas traitées comme des affaires d'État. Mais il semble que c'était plutôt à Madame de Staël de se plaindre qu'on traduisit ses doctrines philosophiques en opinions factieuses. Les articles de Fontane eurent grand éclat et excitèrent les passions en sens opposé. Madame Joseph Bonaparte lui en fit une scène à Morfontaine, la prochaine fois qu'elle le vit. Mais Bonaparte nota dès lors, du coin de l'œil, l'habile écrivain, comme un organe décent et modéré, acquis à ses futures entreprises. Est-il besoin, après les articles de Fontane, de mentionner deux morceaux de Geoffroy qui ne font que présenter les mêmes idées, moins l'urbanité malicieuse et la grâce mondaine? Note. Ces morceaux de Geoffroy, datés de décembre 1800 et insérés dans je ne sais quel journal ou recueil, probablement dans son essai de résurrection de l'année littéraire, ont été reproduits au tome 8 du Spectateur français au XIXe siècle. On trouve dans la même collection d'autres morceaux relatifs à cette polémique d'alors sur la perfectibilité. Reprise. En publiant la seconde édition du Livre de la littérature, qui parut 6 mois après la première, Madame de Staël essaya de réfuter Fontane et de dégager la question des chicanes de détail dont on l'avait embrouillée. Elle ne se venge personnellement du critique qu'en citant avec éloge son poème du jour des morts dans une campagne. Mais elle s'élève sans pitié contre ce faux bon goût qui consisterait dans un style exact et commun, servant à revêtir des idées plus communes encore. Guillemets. Un tel système, dit-elle, expose beaucoup moins la critique. Ces phrases, connues depuis si longtemps, sont comme les habitués de la maison. On les laisse passer sans leur rien demander. Mais il n'existe pas un écrivain éloquent ou penseur dont le style ne contienne des expressions qui ont étonné ceux qui les ont lues pour la première fois, ceux du moins que la hauteur des idées ou la chaleur de l'âme n'avaient point entraîné. Fin des guillemets. Madame de Staël, on le voit, ne se contentait pas à si bon marché que Boileau, écrivant à Brossette, « Bayle est un grand génie, c'est un homme marqué au bon coin. Son style est fort clair et fort net. On entend tout ce qu'il dit. » Elle pensait, et avec raison, qu'il y a un coin un peu meilleur, une marque de style encore supérieure à celle-là. Sa seconde édition donna lieu à un article des débats où il était dit en terminant, comme par réponse au précédent passage de la nouvelle préface, « Tous les bons littérateurs conviennent que la forme de notre langue a été fixée et déterminée par les grands écrivains du siècle dernier et de l'autre. Il faut distinguer dans un idiome ce qui appartient au goût et à l'imagination de ce qui n'est pas de leur ressort. Rien n'empêche aujourd'hui d'inventer de nouveaux mots lorsqu'ils sont devenus absolument nécessaires. Mais nous ne devons plus inventer de nouvelles figures, sous peine de dénaturer notre langue ou de blesser notre génie. » Fin des guillemets. Il y eut à cette étrange assertion une réponse directe de la Décade, qui me paraît être de Ginguené. Le critique philosophe se trouve induit à être tout à fait novateur en littérature pour réfuter le critique des débats dont l'esprit ne veut pas se perfectionner. S'il y avait eu des journalistes du temps de Corneille, qu'ils eussent tenu un pareil langage, et que Corneille et ses successeurs eussent été assez sots pour les croire, notre littérature ne se serait pas élevée au-dessus de Malherbe, de Régnier, de Voiture et de Brébeuf. Cet homme est le même qui veut continuer l'année littéraire de Fréron. Il en est digne. » Fin des guillemets. On voit que c'est à Geoffroy que Ginguené imputait, peut-être à tort, l'article des débats. Il est naturellement amené à citer une remarquable note de Lemercier, ajoutée au poème d'Homère qui venait de paraître. Les pédants, disait Lemercier alors novateur, épiloguent les mots et n'aperçoivent pas les choses. On se donne beaucoup de peine, en écrivant, pour faire ce qu'ils nomment des négligences de style. Sublignie trouva 400 fautes dans l'Andromaque de Racine. Elles immortalisèrent plusieurs vers où elles se trouvaient. Des critiques, et elles sont imprimées, accusaient Boileau de ne pas écrire en français. Le génie fait sa langue. Qui ne sait que par Ennius et Lucrèce, on attaquait Horace et Virgile. Leur latin était inconnu la veille du jour où ils parurent. On aurait à dire, comme de coutume, que cette remarque ouvre la porte au mauvais goût, si elle pouvait lui être fermée. » Fin des guillemets. Ces citations ne font-elles pas entrevoir comment les hommes du mouvement politique et républicain étaient conduits peu à peu à devenir les organes du mouvement littéraire, si le développement spontané qui se faisait en eux n'avait été brisé avec toutes leurs espérances par les secousses despotiques qui suivirent. Dans la Bibliothèque universelle et historique de Leclerc, année 1687, à propos des remarques de Vaugelas, on trouve, car ces querelles du jour sont de tous les temps, une protestation savante et judicieuse d'un anonyme contre les règlements rigoureux imposés à la phrase, contre ces restrictions de la métaphore auxquelles on avait prêté force de loi. Les esprits libres en littérature liront avec une agréable surprise ce morceau, comme on aime à retrouver quelques idées de 89 dans Fénelon. J'ai plaisir en ce moment, je l'avoue, à pouvoir répondre avec des phrases qui ne sont pas de moi à ce qui me semble peu ouvert et peu étendu dans les théories littéraires formelles, acceptées par plusieurs de nos hardis politiques et remaniées par quelques jeunes critiques déjà opiniâtres. Les défenseurs d'un goût exclusif et d'une langue fixe jouent exactement en littérature un rôle de Tories. Ils sont pour une cause qui se perd journellement. Ils font métier d'arrêter, de maintenir, à la bonne heure. Après chaque poussée en avant où un talent se fait jour de vive force, ils veulent clore, ils relèvent vite une barrière que de nouveaux talents forceront bientôt. Ils niaient, eux ou leurs pères, ils niaient Madame de Staël et Monsieur de Chateaubriand il y a 30 ans, et Monsieur de Lamartine il y en a 15. Ils les subissent, ils s'en emparent, ils s'en font une arme contre les survenants aujourd'hui. C'est là un rôle qui peut avoir son utilité et son mérite, tout talent ayant besoin en son temps d'être éprouvé et de faire sa quarantaine. Mais il ne faut, convenons-en, pour ce rôle d'officier de la quarantaine littéraire, qu'une part d'imagination et de pensée plus restreinte que dans le rôle opposé. Note. Cette fin de non-recevoir, élevée contre les talents survenants, remonte un peu haut, et jusqu'au sein du pur Louis XIV, comme le remarquait M. Le Mercier. Elle a été perdant continuellement de sa limite, sans devenir moins absolue, moins négative. Corneille, à ses débuts, parut irrégulier à D'Aubignac et à l'Académie. Racine, en commençant, fut jugé fade et amollissant par les amateurs de Corneille. La Bruyère est notée par D'Olivet comme entachée de néologisme et en trouvant déjà la porte au goût affecté. Vignolles-Marville, qui lui oppose Saint-Evremond et Nicole, dit de lui « Sa manière d'écrire, selon M. Ménage, est toute nouvelle. Elle n'en est pas meilleure. Il est difficile d'introduire un nouveau style dans les langues et d'y réussir, principalement quand ces langues sont montées à leur perfection, comme la nôtre l'est aujourd'hui. » Voltaire n'eut d'abord que la réputation d'un libertin spirituel. Jean-Baptiste appelait ses ouvrages « des fragments mal cousus où le bon sens est compté pour rien ». Aux yeux des admirateurs de Jean-Baptiste et de Crébillon, le temple du goût passait pour un chef-d'œuvre de faux esprit et d'extravagance. Reprise. Le plus remarquable article auquel donna lieu le livre de la littérature est une longue lettre de M. de Chateaubriand, insérée dans le Mercure de France, Nivose en 9. La lettre, adressée au citoyen Fontane, a pour signature l'auteur du Génie du christianisme. Ce livre, tant annoncé, n'avait point paru encore. Le jeune auteur, au milieu de la plus parfaite politesse et d'hommages fréquents à l'imagination de celle qu'il combat, y prend position contre le système et les principes professés par elle. Guillemets. Madame de Staël donne à la philosophie ce que j'attribue à la religion. Vous n'ignorez pas que ma folie à moi est de voir Jésus-Christ partout, comme Madame de Staël la perfectibilité. Je suis fâchée que Madame de Staël ne nous ait pas développé religieusement le système des passions. La perfectibilité n'était pas, selon moi, l'instrument dont il fallait se servir pour mesurer des faiblesses. Et ailleurs, quelquefois Madame de Staël paraît chrétienne. L'instant d'après, la philosophie reprend le dessus. Tantôt inspirée par sa sensibilité naturelle, elle laisse échapper son âme. Mais tout à coup, l'argumentation se réveille et vient contrarier les élans du cœur. Ce livre est donc un mélange singulier de vérité et d'erreur. Fin des guillemets. Les éloges accordés au talent s'assaisonnent parfois d'une malice galante et mondaine. Guillemets. En amour, Madame de Staël a commenté Phèdre. Ses observations sont fines et l'on voit par la leçon du scoliaste qu'il a parfaitement entendu son texte. La lettre se termine par une double apostrophe éloquente. Voici ce que j'oserais lui dire si j'avais l'honneur de la connaître. Vous êtes sans doute une femme supérieure. Votre tête est forte et votre imagination, quelquefois pleine de charme, témoin ce que vous dites d'Herminie déguisée en guerrier. Votre expression a souvent de l'éclat, de l'élévation. Mais, malgré tous ces avantages, votre ouvrage est bien loin d'être ce qu'il aurait pu devenir. Le style en est monotone, sans mouvement et trop mêlé d'expressions métaphysiques. Le sophisme des idées repousse. L'érudition ne satisfait pas et le cœur est trop sacrifié à la pensée. Votre talent n'est qu'à demi développé, la philosophie l'étouffe. Voilà comment je parlerais à Madame de Staël sous le rapport de la gloire. J'ajouterai, vous paraissez n'être pas heureuse. Vous vous plaignez souvent dans votre ouvrage de manquer de cœur qui vous entende. C'est qu'il y a certaines âmes qui cherchent en vain dans la nature des âmes auxquelles elles sont faites pour s'unir. Mais comment la philosophie remplira-t-elle le vide de vos jours ? Comble-t-on le désert avec le désert ? Etc., etc. Fin des guillemets. Madame de Staël, accessible et empressée à toutes les admirations, désira connaître l'auteur de la lettre du Mercure. Ce premier exploit de polémique devint ainsi l'origine d'une liaison entre les deux génies dont nous sommes habitués à unir les noms et la gloire. Cette liaison ne fut pourtant pas ce qu'on imaginerait volontiers. Leurs camps, à tous deux, restèrent limités et distincts. Leurs amis moins précautionneux se poussaient maintes fois à la traverse. Raillant Delphine du même ton acéré que Chénier retournait ensuite contre Atala, M. Michaud écrivait « Vous avez voulu faire la contrepartie du génie du christianisme. Vous avez donné les beautés poétiques et morales de la philosophie. Vous avez complètement battu ce pauvre Chateaubriand et j'espère qu'il se tiendra pour mort. » Adorateur du génie grec, du beau homérique et sophocléen, chantre de Cymodocée, d'Eudore et des pompes lumineuses du catholicisme, M. de Chateaubriand, artiste déjà achevé, n'était pas gagné aisément à cette teinte parfois nuageuse des héros de Madame de Staël, aux vagues de certains contours, à cette prédominance de la pensée et de l'intention sur la forme, à cette multitude d'idées spirituelles, hâtives et entrecroisées comme dans la conversation. Il admirait moins alors Madame de Staël qu'elle ne l'admirait lui-même. D'une autre part, soit hasard et oubli involontaire, soit gêne de parler à ce sujet convenablement, elle s'exprime bien rarement sur lui dans ses nombreux ouvrages. Lorsque les soirs, à Copé, on lisait par comparaison Paul et Virginie et l'épisode de Véléda, Madame de Staël mettait avec transport la fougueuse et puissante beauté de la prêtresse bien au-dessus des douceurs trop bucoliques pour elle de l'autre chef-d'œuvre. Le célèbre article qui fit supprimer le Mercure en 1807 lui arrachait aussi des cris d'admiration. Note. Les souvenirs de M. de Meneval, tome 1, page 29, nous la montrent, se faisant la patronne et la lectrice empressée d'Atala et de René dans la société de Joseph Bonaparte à Morfontaine, 1801-1802. Reprise. Mais on retrouve à peine en ses écrits quelques témoignages. Dans la préface de Delphine, il est dit un mot du génie du christianisme comme d'un ouvrage dont ses adversaires mêmes doivent admirer l'imagination originale, éclatante, extraordinaire. M. de Chateaubriand, dans un article du Mercure sur M. de Bonald, décembre 1802, releva en quelques lignes cet éloge de Madame de Staël. Mais, à travers les hommages réciproques, c'est toujours la même position d'adversaire. Note. M. de Chateaubriand est encore honorablement, mais simplement mentionné en deux endroits du livre de l'Allemagne, deuxième partie, chapitre 1er, et quatrième partie, chapitre 4. Reprise. Ne se figure-t-on pas déjà ces deux beaux noms comme deux cimes à des rivages opposés, deux hauteurs à moments menaçantes sous lesquelles s'attaquaient et se combattaient des groupes ennemis, mais qui de loin, à notre point de vue de postérité, se rapprochent, se joignent presque, et deviennent la double colonne triomphale à l'entrée du siècle. Nous tous, générations arrivant depuis les martyrs et depuis Corinne, nous sommes devant ces deux gloires inséparables, sous le sentiment filial dont M. de Lamartine s'est fait le généreux interprète dans ses Destinées de la poésie. S'il y a, comme fond naturel et comme manière d'artiste, de grandes différences entre M. de Chateaubriand et Madame de Staël, on est frappé d'ailleurs par les ressemblances bien essentielles qu'ils présentent. Tous deux aimant la liberté, impatients de la même tyrannie, capables de sentir la grandeur des destinées populaires, sans abjurer les souvenirs et les penchants aristocratiques. Tous deux travaillant au retour du sentiment religieux dans des voies plutôt différentes que contraires. À la Restauration, ils se revirent. Madame de Duras fut une sorte de lien. Note. Madame de Staël avait un goût singulier pour Madame de Duras qu'elle trouvait, comme elle-même l'était également, une personne vraie dans un cercle factice. J'ai vu un billet touchant qu'elle lui adressait le 26 juin 1817, c'est-à-dire 18 jours avant sa mort, et qu'elle avait dicté à son fils, Auguste de Staël, n'ayant déjà plus la force d'écrire. Elle avait ajouté au bas, de sa propre main, d'une grosse écriture inégale et défaillante, bien des compliments de ma part à René. Reprise. Madame de Duras fut une sorte de lien, et c'est à M. de Chateaubriand que, dans sa dernière maladie, Madame de Staël a pu dire ses belles paroles. J'ai toujours été la même, vive et triste. J'ai aimé Dieu, mon Père et la liberté. Pourtant, la politique alors traça une séparation entre eux, comme autrefois la philosophie. Dans ses « Considérations sur la Révolution française », qui parurent peu après la mort de l'auteur, M. de Chateaubriand n'est pas nommé. Et dans un morceau de lui inséré au Conservateur, décembre 1819, on retrouve un de ses hommages à Madame de Staël, toujours respectueuse et décent, mais d'une admiration tempérée de réserve, un hommage enfin de parfait et courtois adversaire. Ce trop long désaccord a cessé. Une femme, Madame Récamier, qui, par une singulière rencontre, avait vu pour la première fois M. de Chateaubriand chez Madame de Staël en 1801, qu'il avait revu pour la seconde fois chez la même en 1814, est devenu le nœud sympathique de l'une à l'autre. Dans son noble attachement pour l'ami intime de cette âme de génie, pour la dépositaire de tant de pensées aimantes, M. de Chateaubriand a modifié et agrandi ses premiers jugements sur un caractère et un talent mieux connus. Toutes les barrières précédentes sont tombées. La préface des Études historiques fait foi de cette communication plus expansive. Mais surtout, le monument dernier qu'il prépare contiendra de Madame de Staël un portrait et un jugement le plus grandiose, le plus enviable assurément, le plus définitif pour une telle mémoire. Il y a du moins entre tant de tristesse, cela de bon à survivre à ses contemporains illustres, illustres soi-même, et quand on a la piété de la gloire, c'est de pouvoir à loisir couronner leur image, réparer leur statue, solenniser leur tombe. Les éloges sentis de M. de Chateaubriand sur Madame de Staël, son pèlerinage à Copé en 1831, avec l'amie attentive qui forme le lien sacré entre tous deux, avec celle qu'il n'accompagna pourtant pas jusqu'au fond de l'asile funèbre, et qui, par pudeur de deuil, voulut seule pénétrer dans le bois des tombeaux. Tout cela, au bord de ce lac de Genève, si proche des lieux célébrés par le peintre de Julie. Ce seront, aux yeux de la postérité, de mémorables et touchantes funérailles. Notons bien, à l'honneur de notre siècle, ces pieuses alliances des génies rivaux, Goethe et Schiller, Scott et Byron, Chateaubriand et Madame de Staël. Voltaire insultait Jean-Jacques, et c'est la voix seule du genre humain, pour parler comme Chénier, qui les réconcilie. Racine et Molière, qui ne s'aimaient pas, se turent l'un sur l'autre, et ont leur su gré de cette convenance morale. Il y a certes une grandeur poétique de plus dans ce que nous voyons.